Papo Beneki. Sorti avec James. Dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, il m'a dit qu'il m'aimait aussi. Le lendemain, je lui téléphone. Il me dit que tout est fini. Avec Eric au cinéma, on est allé. Et au moment le plus tragique, il m'a demandé de l'embrasser. Et comme je suis une fille pratique, je ne me suis pas fait briller. Je suis sortie avec Marcel. Elle est sortie avec Marcel. Je suis sortie avec Marcel. Elle est sortie avec Marcel. Dans le métro, on s'est rencontrés. Il bosse du côté de Sarcelles. Alors je l'ai raccompagné. Arrivé devant son usine, il m'a dit j'aime pas les.